À l'étranger, les médias ont rapporté le 4 juillet la nouvelle du dirigeant suprême Kim Jong-un qui a ordonné le tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phasan 14 et dirigé le tir sur le terrain. Les agences de presse TASS et Yanovosti, les journaux Rossiyskaya Gazeta, Izbestia, Moskovsky Komsomolets, Buzgliad, Novaya Gazeta, Vedomosti, Argumenti i Fakti, les radios Eo Moscovie et Mayak, l'agence de presse internet Gazeta.ru, la télévision internet Mir 24 de Russie, la télévision ND de l'Inde, le journal Times of India et l'agence de presse And Asie, les agences de presse Gyodo et Chiji, les journaux Mainichi Shimbun, Nihongeizai Shimbun, Asahi Shimbun et Tokyo Shimbun, la télévision NHK du Japon, l'agence de presse Chinouvelle, le réseau Planète, le réseau Information de Chine, la CNN et l'AP des États-Unis, la BBC de Grande-Bretagne et autres médias importants de divers pays ont traité la nouvelle, notamment sous ce titre « La Corée du Nord réussit au lancement du missile balistique intercontinental ».